Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yurakhis ad-dars al-akhir. Qui c'est qui résume le dars, le dernier dars? أحسنت أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال الأخ صفدان دوكا النافلة على الراحلة في السفر والخائف. Ça, c'est deux points, on va les voir aujourd'hui, bi'idnillah. Qui c'est qui cite les autres chorotes? Faddal Abou Bakr. Al-Islam. Al-Tamiz. Ma ma'na al-Tamiz? Hada, yumayiz baynama al-khayr al-ma'ruf inda al-nas wa al-shar. Il sait que cette chose allait bien, il sait que cette chose allait pas bien. Hada. Il y a des enfants, les bébés, là yumayizoun. Il peut se brûler, il peut. Là yumayiz. Amma, l'enfant arrive à un certain âge, yumayiz. Kadhalik fi mas'alat an-nisa qu'on avait cité, min at-tamyiz, annahu, il commence à savoir, anna hadi jamila, hadi ghayr jamila. Amma, bébé, là yubali. Il sait pas, hadi l'oumba. Amma, à stage là de tamyiz, il va commencer à savoir, hadi elle est jamila, hadi elle est pas jamila. Fa fi hada al-hal, لا يدخل على النساء كذلك من الشروط تفضل العقل ما معنى العقل هشام اي سي با مجنون سي ان بيرسون كا لا ريزون زيد من الشروط ولا سيتي كذلك ادم ها ستر العوره احسن سكو غير لا بارتي انتيم زيد ياسين الاسلام ذكروه أحسن طهارة المكان والبدن والثياب باقي واحد أظن دخول الوقت واستقبال القبلة هذا كذلك النية أحسنت نفس شروط إسو مهم دوما بإذن الله وبغاء الأركان نعم دوما si on commence le chapitre القيام ça fait partie des arcanes on fera la même chose pour les arcanes أما اليوم نكمل هذا الباب المهم لو واحد منكم إلى من أنا أنسى فتح العلام شرح بلوغ المرام أنسوي لأن يدي شوز قد تشكل علينا أو دي شوز كنا بانوتي ففتح العلام فيه خير كثير سي أن فخار يبو لأمني خاصة سكي لفون ياسين وعبد الملك بو لأمني بو سويفي سي أن فائدة أو أن خلاف أو أن شوز مهمة أولا ليو فخار بإذن الله قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى استقبال الكعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل on l'a vu أمس قال وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث اللي في الصحيحين إذا venir souvent هذا الحديث حديث المسيء في صلاته un صحابي رضي الله عنه il est rentré il a fait الصلاة le prophète صلى الله عليه وسلم il lui disait refais الصلاة فإنك لم تصلي deux fois il a refait il est revenu voir le prophète صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit refais الصلاة فإنك لم تصلي trois fois Et هذا الحديث c'est une عمدة في صفة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الألباني هو il va citer le hadith يعني par rapport au chapitre استقبال القبلة مثلا il va nous citer que le قبلة après le قيام il va le reciter وهكذا أما هذا الحديث celui qui l'احفظ il est مذكور في عمدة الأحكام فإلي فصله باب صفة الصلاة حديث المسيء في صلاته أي متفق عليه قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى ستة دو شروط الوضوء والقبلة هذا سان دليل on rajoute sur les adillah qu'on a cité hier sur استقبال القبلة قال وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا أو غربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله الآية. الآن كده ست الشيخ الألواني وكان في السفر يصلي النوافل على راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام الآن في السفر quand il est en voyage, les prières recommandées à Nawafil, autres que les prières obligatoires, il les prie à la rahilati, sur sa monture. Tous les ahkam qu'on va voir là, c'est valable pour les voitures, maintenant, aujourd'hui. C'est une rahila, c'est une monture. Cheikh Al-Albani va citer masala du bateau, il a akhiré. On verra. Mais là, ce qu'on va voir là, c'est valable pour un siyar, pour la voiture. La personne, il fait un nafila. Il est dans la voiture. Elle est en direction de Qibla ou pas, c'est ce qu'on va voir là. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أجمع على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يصلي التطوع على دابته وراحلته التمهيد. كتابه التمهيد. إجمع العلماء أنه سأوتوريزي la personne qui est en voyage. Bien sûr, comme a dit l'imam Ibn Abd al-Barr, un voyage où tu réduis les salats. Un voyage où tu réduis les salats. Les salats de 4 rak'ats, tu les fais 2. Dans ce cas, il y a juste la personne qui prie les nawafil à la rahila. Ça, c'est bien l'ijma. Et l'adilla, Cheikh Al-Albani, il a cité ce hadith. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته. الحديث كما قال في الحاشية اللي في الصحيحين. كذلك من الأدلة parmi les adillas qui montrent que le voyageur il lui est permis de prier un nawafil sur sa rahila, sur sa monture, c'est-à-dire la position qu'il est. Maintenant dans ta voiture t'es assis et tu conduis, il y a juste là tu pries nawafil et tu conduis tant que ça implique pas un danger bien sûr. كذلك à l'époque du prophète sallam sur leur monture, la chèque qui devait tenir maintenant des choses, il devait diriger la bête, avec tout ça tu fais ça là. Bien sûr tu regardes en face de toi. ومن الأدلة قال ومن الأدلة حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. هذا الدليل يمضغ الآن أن الراحلة elle va pas être toujours en direction de la Qibla. Elle ne va pas être toujours en direction de l'Qibla. Ben, la plupart du temps, elle peut ne pas être en direction de l'Qibla. Ça ne fait aucun mal pour les prières recommandées en voyage. Deux choses, n'oubliez pas, le sujet qu'on a, un, prière recommandée, ça fait sortir la prière obligatoire, tu n'as pas le droit, et en voyage sur la monture. Si tu n'es pas sur la monture, c'est autre chose. Enfin, deux choses. Les prières recommandées et la deuxième chose, tu es en voyage sur ta monture. Fais hadal hal, tu n'es pas obligé de te diriger vers la Qibla. Tu pries salat nafila ala kulli hal. Aina tawajjahat bik ar-rahil. Le hadith il est muttafaq alayhi. كذلك من الأدلة حديث أنس أنس بن سيرين رحمه الله قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام قال اختصر الحديث قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. أنس بن سيرين رحمه الله من أئمة التابعين. Ils ont accueilli Anas ibn Malik, le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. Il revenait du Sham. Et ils l'ont vu de loin, il faisait salat. Ka'annahum, ils ont vu qu'il se courbait comme on va voir. Et sa bête, elle n'était pas en direction de l'Qibla. Ils lui ont posé la question. Fa'qult, ay Anas ibn Siri, ra'aytuka tusalli li ghayri al-Qibla. Il a posé la question à Anas, je t'ai vu faire la salat, pas en direction de l'Qibla. Ça montre. أن استقبال القبلة معروف عندهم فساليزا اتوني كومو في الصلاة اي لبون ديريكسيون ديال القبلة. قال انس بن مالك رضي الله عنه لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. انس بن مالك يدي سي جوري با في لو بروفيت عليه الصلاه والسلام لو فير جو نوري جامي في. هذا الشاهد. من مساله الان انا كومبري نحن هذا سي واضح. صلاة النافلة على الراحلة في الحضر. الآن est-ce que c'est adilla? Ça englobe celui qui veut faire des prières recommandées sur sa monture et il n'est pas en voyage. مثلا نحن الآن on n'est pas en voyage. الآن on sort et on monte dans une voiture. Maintenant, il a fait l'adhan, on veut faire nafilat al-duhr, al-ratiba, avant le duhr. Est-ce qu'on a le droit de la faire dans la voiture, assis, sans se diriger vers la qibla? C'est ça, cette mas'ala. Est-ce que les hadiths qu'on a vus, est-ce que c'est khas pour le safar sur la monture, ou ça englobe, yani quand tu n'es pas en voyage, sur la monture? Tu peux être en monture, tu es en voyage, tu peux être sur une monture, tu n'es pas en voyage. Enfin, est-ce que ça englobe les deux? Al-Zahir, Allah Ta'ala a'lam, an-nahada c'est khas pour le voyageur. Mais elle n'a les adillah qu'on a vu, c'est pour le voyageur. Hadith Anas, il revient de voyage. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam fi safar. Enfin, tous les adillah, tu verras que c'est précisé le safar. Fahada, wallahu a'lam, ça englobe pas al-hadar. Quand t'es pas en voyage, ou là où t'es sur ta monture, an-nafila, tu l'as fait comme le farida. Tu te mets debout et en direction de l'qibla. Amma se mettre debout, ça yati ma'ana. Anna se mettre debout, fi nafila, c'est pas un short. Oh, c'est pas un rukun. Ça, on verra en détail. Radan. À la kulli hal, nous, ce qui nous intéresse là, c'est istiqbal al-qibla. Si t'es pas en voyage, t'es obligé de t'astiqbal al-qibla. Que ça soit farida, c'est un short, ou un nafila. Un cas où il t'est permis de pas te diriger vers la qibla, c'est quand t'es sur ta monture et en voyage. Le fait de dire que ces hadiths, ils englobent autre que le voyageur, il faut un dalil. Les dalils sont khas fi safar. Et passer au khas au am, il faut un dalil. Nous, on laisse les dalils comme eux. C'est pour le voyage, c'est pour le voyageur. C'est le qawl al-aqrab. Wallahu a'lam. Conclusion de tout ça, le voyageur qui est sur sa monture, il lui est permis de prier les nawafil. Et il ne se dirige pas vers la qibla. Ce n'est pas un shart. Il prie et sa monture, où qu'elle se dirige, il fait salat. Ça, c'est la première mas'ala. Est-ce que ça englobe autre que le voyageur? On l'a dit là. C'est khas pour le voyageur. ثم قال شيخ الألباني رحمه الله وغبيه أمتن قال وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته الناقة معروف سلا فمل جشمو البعير والناقة قال على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. Deuxième chose que Cheikh Al-Albani nous montre, alayhi rahmatullah, est-ce que cette nafila, cette prière recommandée que tu vas prier en voyage sur ta monture, est-ce qu'il faut au départ se mettre en direction de Qibla Amla? Est-ce qu'il faut au départ tu diriges ta monture vers la Qibla, tu kabbar, Allahu Akbar, tout tu laisses ta monture, tu reprends ta route? هذا الآن شيخ الألباني il veut nous montrer هذا. Est-ce que c'est wajib? ذهب جمهور العلماء إلى عدم الوجوب. C'est pas une obligation. هذا النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait de temps en temps et c'est mustahab. C'est mieux. Lakin, est-ce que c'est obligatoire là? Anta, tu peux, dès que tu commences nafila sur ta monture, ou elle n'est pas en direction de Qibla, tu fais takbir. Ou yakfi. Tu n'es pas obligé de la diriger en direction de Qibla. Lakin, celui qui le fait, c'est mieux. S'il a la possibilité, ahyanan, tu n'as pas la possibilité. Tu roules matalan en voiture à notre époque, tu roules en direction matalan de autre que le Qibla. Et tu as envie de faire nafila. Tu t'arrêtes et tu mets la voiture en direction de la Qibla. Tastafiz min hada, vu que c'est pas wajib, fa anta tu kabbar ala ay hal. Que tu sois en direction de la Qibla ou autre. Hada khulasat hadi al mas'ala. Et celui qui analyse les adillah qu'on a vu, hadith Anas, hadith Amir ou Amr, il n'est pas cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ de Nafila, il se dirigeait vers le Qibla. Là. Akthar al-Adillah, il n'y a pas hada. Enfin, ça montre. Anna, cette chose, c'est quelque chose de mustahab. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas toujours fait. On a un autre dalil. Celui qui se rappelle des cours de Usul, on a un autre dalil. Fi hada, Anna, cette chose, elle est mustahab. Ils sont ashab al-Usul. Je vous relis le hadith. Fi le matn. Qala. وكان احيانا اذا اراد ان يتطوع التطوع c'est tu fais des choses recommandées, on appelle aussi النوافل. كان اذا اراد ان يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر. الحديث اللي عند ابي داود في الحاشيه اي صحيح الشيخ الالباني لصحه او الى حسن او صحيح. الان دز دليل العلماء أو بعض العلماء ceux qui disent بالاستحباب que c'est recommandé. نحن on a vu une règle dans l'usul qui te permet de savoir si c'est recommandé ام لا. À part Abu Bakr Yassine, Abu Bakr تفضل. أحسنت. أن فعل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم سمتخ الاستحباب. Vous vous rappelez de cette masala, elle est muhimma. Je vous ai dit, al-usul, c'est une clé azima pour comprendre le fiqh. Une personne, il peut te demander pourquoi tu dis que c'est recommandé. Anta awalan, tu lui expliques que la plupart des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se dirigeait pas vers la qibla au départ. Premièrement, ça montre que ça serait une obligation, il l'aurait toujours fait. Thanian, le sahabi nous rapporte un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un fi'l. Et on avait vu dans l'usul que la base dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'istihbab. Sauf si un dalil qui montre que c'est obligatoire. Cheikh Al-Uthaymeen, bil usul, min ilm al-usul, il avait mettel bimada. Il avait mettel bi hadith Aisha an nabi. Hein? Là. Il avait mettel bi siwak, ahsant. Anna Aisha radiyallahu anha, ils lui ont demandé c'est quoi la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le premier quand il rentre chez lui. Elle a dit radiyallahu anha, siwak. Que utiliser le siwak quand on rentre à la maison c'est une obligation là, c'est mustahab. Les anna, on n'a que le fi'l du prophète sallam. Enfin, quant à le fi'l du prophète sallam, ça montre l'istihbab. Sauf s'il y a une chose qui montre al-wujub, l'obligation. Conclusion de tout ça, c'est que c'est pas une obligation, c'est mustahab. C'est mustahab de se diriger vers la qibla au début de nafila quand tu es sur ta monture. Ce n'est pas une obligation. قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى الجامع الصحيح عند حديث أنس حديث أنس كنا سيتي في المتن وكان أحيانا إذا أراد يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر. هذا حديث أنس الشيخ مقبل إلى صحح إلى سيتي في المسند الصحيح لما ليس في الصحيحين. ثم قال هذا في بعض الأحيان وإلا فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل براحلته القبلة عند التكبير. الشيخ مقبل رحمه الله يتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لفه on l'a dans حديث أنس أي au départ il s'est dirigé en direction de la qibla لكن la plupart du temps il ne le faisait pas. La plupart du temps, il ne le faisait pas. Famine à sunnah, c'est qu'on le fait de temps en temps. Et celui qui ne le fait pas, aslan, c'est pas wajib. فهذا القول هو الصواب وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد والشيخ سعدي والشيخ العثيمين إلى آخره رحمهم الله جميعا. انظر فتح العلام إشارة أن المسألة لخلافية. بعض أهل العلم يديز سين أوبليغاسيون. بعض أهل العلم يديز سين أوبليغاسيون au départ tu te diriges vers la qibla. Ils se sont basés sur ce hadith. لكن قول الشيخ مقبل رحمه الله et les autres savants il est أقرب. Il y a des hadiths où le prophète sallam il a pas fait hada. Ça serait obligatoire, il l'aurait fait. Il l'aurait fait à chaque fois. Hada, c'est mafhoum. Celui qui ne comprend pas, il nous dit, nous on avance. Allah dit la yafham, il nous arrête et bi'idhnillah on essaie de lui expliquer. Qala al-Sheikh al-Albani rahimahullah wa kana yarka' wa yasjud ala rahilatihi ima'an bi ra'sih. Il se penche. Ima an bira'si. Si tu es sur ta monture, tu es assis. Enfin, pour le recours, tu penches ta tête. À peine, légèrement. Pour le sujoud, tu penches encore plus. هذا قوله وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه قال ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم السجود tu te penches plus que le ركوع حتى ça différencie. Le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait هكذا. الحديث إلى عند أحمد والترمذي وصححه أي الترمذي إلى صحح الحديث. On dira pas à chaque fois شغل الألباني لا صحح إلا صحح لأن tous les hadiths que tu as الآن شغل الألباني il est صحح أو il est حسن لأن il est cite dans son livre sauf dans الحاشية يا سيدي اللي ضعيف. أما تسكت الآن تكون للكلام سيك الشيخ الألباني لا أكسبت الحديث هذا فهو غير تترابا الشيخ الألباني لا صحح أو إلا حسن. Si on arrive à rajouter أحيانا قول الشيخ مقبل طيب رحمه الله. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني قال وحكم الصلاة على الراحلة أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع كما في الحديث. الآن تكمخي أنت que cette salade que tu vas faire sur ta monture et t'es en voyage اولا تي بون جيت تيجي على القبلة. ديك تاريف الركوع فتو بونش ليجيرمون لا تيت. ديك تاريف السجود تو بونش ان بو بلوس. هذا بيان سور سي ا با ان دانجي. لان على نوتر ايبوك الان on a dit ce hukm est applicable à ceux qui conduisent des voitures ou autres. Là, c'est une monture. Là, s'il y a un danger, il y a un tabé. Il y a de la circulation, il a akhiré. Enfin, il regarde toujours où voilà. Il regarde toujours la circulation et il regarde en face de lui. Ou alors, il penche légèrement, enfin, ça ne l'empêche pas de regarder. Il ne délaisse pas. C'est nafila. وقال ابن قدامة رحمه الله قال جابر رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق أي il était pas en direction de la قبلة comme on a vu. قال والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود بإسناد حسن. C'est un دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام il se penchait plus pour le ركوع pour le سجود que le ركوع. حديث جابر. وقوله قول الشيخ الألماني رحمه الله وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة فاستقبل القبلة. الحديث اللي في الصحيح. Ça, ça nous montre أن tout ce qu'on a vu الآن c'est pour un nafila. Et on l'a précisé. Et on le reprécise. أن tout ça c'est pour un nafila. أما صلاة الفجر أي les deux rak'at واجبة أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز هذا. Personne, il est en voyage ou pas, il s'arrête. Et il prie debout. Badan Nas, ils font l'erreur. Anahu, il est en voyage et il croit que c'est permis de prier assis. Là, là, il y a douze. Sauf dans un cas, Anaka, t'as peur que l'ouakt, il sort et t'as pas les moyens de prier debout. Fafi hadha al-hal la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qala sallam fa in lam tastati' qa'iman fa qa'ida. Si tu peux pas debout, assis. Ce cas, il arrive en avion. Quand tu es en avion, ça peut arriver. Hala. Tu montes, c'est l'heure du dhuhr. Tu dois faire salat au dhuhr. Dans l'avion, tu ne peux pas te lever. Khassatan au décollage, l'atterrissage. Tu es assis et il n'y a pas la place. Dans certains avions, il y a des petits moussallas. Si tu t'autorises, tu fais. Mais tu ne peux pas. Ils ne t'autorisent pas. Alors, ils ont des consignes. Tu restes assis. Si ils t'autorisent à te lever vers ton siège, tu te lèves et tu arrives à faire salat comme tu peux, tayyib, tu te lèves. Si tu ne peux pas, tu restes assis. Et tu fais salat. Pour le recours, tu te penches. Et pour le sujoud, tu te penches akthar. Hada. On verra ça avec Nillah fi al-qiyam. Lakin nahlou, c'était pour préciser hada al-qawl. قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. Ça c'est tant que tu peux. Si tu peux pas, fa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On voit les erreurs de certaines personnes. Ils sont en voyage, il est en voiture matalan, et il a un passager avec lui, et il fait salat matalan le dhuhr, et il est assis à côté. La yadouza la awalan, s'ils peuvent faire jama'a, ils font jama'a. Et thanian, c'est une faridha, il doit staqbal al-qibla. Et thalitan, il doit se mettre debout. Salat du voyage, elle ne t'autorise pas à te mettre assis là. Là. Ce qui te permet de rester assis, c'est la maladie. Ah, où tu n'as pas d'autre solution. Amma, si c'est ta voiture, si c'est ta voiture, tu peux t'arrêter. On est en voyage, on est en voiture, on peut s'arrêter. Jami al-Nas, dès qu'ils sont en voyage, ils s'arrêtent pour faire leurs besoins, pour manger. Pourquoi tu ne t'arrêterais pas pour faire ta salat? C'est aham. Al-Imam al-Nawawi naqala al-Ijma'. Naqala al-Ijma' anna. On n'a pas le droit de faire la salat al-farida sur la monture assis et on ne se dirige pas vers le qibla. Ça c'est la yajouz bit ijma'. Naqalahu al-imam al-Nawawi rahimahullah. L'unanimité des savants, anna, cette chose se khasse pour al-nafila quand il est sur sa monture. Amma la salat obligatoire, abadan la yajouz. Tout ce qu'on vient de voir, c'est la première cause qui nous autorise à ne pas faire salat en direction de l'qibla, salat al-nafila fi al-rahila. Qui c'est qui résume tout ce qu'on a dit avant qu'on passe à salat al-khawf? Indaman, pas toujours les mêmes. Ah, où j'interroge, kama turidoun. Faddal. Yajouz? Nam. Yajouz, il musafir, le voyageur qui prie salat al-nafila, ça fait sortir al-farida, et il ne se dirige pas en direction de l'qibla. Ma dalil, et toi ton livre. حديث أنس حيث توجهت به. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزل نافلة في سامونتور سامونتور elle n'était pas forcément en direction de l'Qibla. Zib, est-ce que ça concerne Al-Hadar? Là, il y a des là, ça montre le voyage. Celui qui est résident, qui n'est pas en voyage, il n'est pas concerné par Hadar. Il fait nafila en direction de l'Qibla. Est-ce qu'il se met debout ou pas? On verra Hadar. Mas'alat, est-ce qu'il se dirige au départ de la nafila? Est-ce qu'il doit faire le takbir en direction de l'Qibla? Qui c'est qui résume cette mas'ala? Indak. Donc c'est pas wajib. Ahsan. Ma dalil ala hada, on a cité deux choses. C'est un dalil que c'est obligatoire hada. Nous on voit un dalil que c'est pas obligatoire. Taratan, ay ahyanan il le faisait pas. Ahsan. Le deuxième dalil qu'on a cité, Jab. Que ce n'est pas une obligation de se diriger vers la Qibla au début de la nafila, en voyage. Le deuxième dalil qu'on a cité. Naam, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fi'l, il n'a pas ordonné de le faire. C'est lui qui l'a fait, c'est un acte qu'il a fait. Et on a vu dans Usul Fiqh, anna l'ulama, il montre anna les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-asl fiha, c'est l'istihbab. La base dans les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est recommandé. Sauf si tu as un dalil qui montre que c'est une obligation. Et là, on a conclu, al-nastiqbal al-qibla fi bidayat al-nafila al-rahila, c'est pas wajib. Thumma mas'alat al-ruku' wa sujoud, comment il fait? Al-rahilate? Ahsantum. Thaniyan, salat al-kha'if. Le deuxième point, Al-Musalli, il n'est pas obligé de se diriger vers la Qibla. Le deuxième cas, Salatul Khaif. Al-Khaif, c'est celui qui a peur, Al-Khawf. Qal al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, wa amma fi Salat al-Khawf al-Shadid. Faqad sanna alayhi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi an yusallu rijalan, ay ala al-aqdam. Rijalan, yani ala al-aqdam. Ay, il marche. En marchant. Il n'est pas obligé de... Al-Asl, c'est que tu t'arrêtes, tu te mets debout et tu ne bouges pas. Lakin via del hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé. Léana, tu peux te retrouver dans une situation, mais tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu te feras du mal. Qala rijalan qiyaman ala aqdamihim ou rukbanan. Rukbanan, ay, sur leur monture. Rukbanan, ay, il est rakib. Il est sur sa monture. Ala rahilatih. Qala mustaqbil al-qibla aw ghayr mustaqbiliha. Al-hadith il est fi sahihayn. Qala wa qala sallallahu alayhi wa sallam idha ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isharatu bil ra's. Innama huwa at-takbir wal isharatu bil ra's. Idha ikhtalatu ay si la ma'raka commence, les combats commencent. Matalan l'armée des kuffar contre l'armée des musulmans. Fa fi hadha al-hal si c'est l'heure de salat, on doit faire salat. On ne doit pas laisser sortir salat de son heure. Maintenant, le combat commence à l'heure du dhuhr. On peut faire salat du dhuhr jusqu'au asr. C'est ça le temps du dhuhr. Si le combat il dure du dhuhr au maghrib, tu es obligé de faire salat dhuhr. Ça montre l'importance de salat. Hatta via al hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas autorisé de délaisser salat. Lakin, il nous a facilité. Via al hal, pendant le combat, la personne, le musulman, il combat et il fait salat. Al-Niyya. Et il peut parler. Matalan, il combat, il dit Allahu Akbar. Et il récite le Fatiha. S'il peut pencher légèrement sa tête, il le fait. S'il ne peut pas, Al-Niyya. Sa niya, c'est qu'il est en recours. Il fait Adkar recours. Sa niya, c'est qu'il se le relève. Il dit Sami Allahu liman hamida. Et tout ça, et il est en combat. Hada, c'est muhim. Ça te montre que tu ne délaisses pas salat. Léana, cette situation, c'est ton cœur. Que tu sois en combat ou pas, La personne, il peut. Baqiya hal, si vraiment la personne, il sait plus ce qu'il dit, min shiddat al-khawf ila akhirah, hada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça peut arriver, hada. Il sait plus ce qu'il dit, même le takbir, il peut plus le faire. Il peut pas réciter le fatiha, il est occupé ila akhirah. Fa fi hada al-hal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakin hada sanad. En général, tu as toujours une minute, tu as toujours le souffle pour dire le takbir et réciter le fatiha. Hada, c'est l'asr. Le deuxième hadith, إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس قال شغل الباني رواه البيهقي بسند الصحيحين من الأدلة كذلك on peut citer هنا أي qui autorise الخائف de faire salat en marchant ou sur sa monture dans n'importe quel état où il se trouve قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا si vous avez peur فإما en marchant إما sur ta monture. Tu n'es pas obligé de t'arrêter et de te mettre en direction du Qibla, là. L'anna le darar, il est a'zam. On avait vu une qa'ida fi, al-qa'id fiqhiya mahi, qui a un rapport avec ce bab. Fadal Ad Malik. Al-darar. Ahsan, tu prends l'akhaf. Al-an, ou, il y a deux maslaha al-an. Il y a maslaha al-jihad et il y a maslaha al-salat. ففي هذا الحال tu fais passer le jihad avant لأن la maslaha elle est a'zam, elle est pour toi, elle est pour les autres. كذلك le darar il est akhaf. أما imagine-toi أنت أن المعركة elle commence et les musulmans, les musulmans ils délaissent le combat et ils commencent tous à faire salat. العدو il va les combattre facilement. لا فمن مقاصد الشريعة c'est faciliter aux musulmans. ففي هذا الحال أنت c'est faciliter. On verra كذلك si on peut salat al-khawf. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans certains cas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura montré salat al-khawf. Un groupe de musulmans, il s'avance et il surveille. Un autre groupe, il recule et il commence à faire salat. Tout le monde, dès que ce groupe il a fini, il s'avance et l'autre, il reprend la place. Salat al-khawf, ma'roufa, madkura fi sahihi. Si Cheikh Al-Bani il en parle, on détaillera, sinon, vous verrez dans un autre livre. Ala kulli hal, la personne, il regarde la maslaha, le jihad, il a une maslaha azima. الإمام القدامى رحمه الله إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة فله أن يصلي على حسب حاله كلام ابن قدامى إلى بورتو لأنه قال بحيث لا يتمكن أحيانا tu peux أحيانا tu peux t'es en jihad t'as peur là chaque t'es un être humain لكن ça t'empêche pas de faire صلاة en direction de Qibla maintenant les combats ils ont cessé il y a des gardes anta t'es en recul. Dans ce cas-là, si tu peux te mettre en direction de Qibla, tu dois te mettre. Là, al-mas'ala an, c'est si tu peux pas. Si tu peux pas. T'as peur pour toi. Et t'as peur pour les autres. T'as fait hadha al-hal, tu pries. Et il y a la aïdjiha. Qala rijalan, ou rajilan, ou rakiban, ila al-Qibla in amkan, ou ila ghayriha in lam yumkin, wa idha ajaza an al-ruku' wa al-sujud, ou ma'abihima. Deuxième chose. أنك ستخائف في حال الجهاد أو في غيره tu peux pas te mettre en ركوع et en sujoud ففي هذا الحال comme on a expliqué auparavant dans صلاة النافلة على الراحلة في الصبر في هذا الحال tu te penches légèrement pour le ركوع et tu te penches un peu plus pour le sujoud يكفيك مفهوم قال وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته إلى آخره ثم إلى ستي الفقه فإن خفتم فرجالا وركبانا هذا كلام من قدامة في المغني هذا ما يتعلق بصلاة الخائف والظاهر شغل الألباني لا pas cité صلاة الخوف لكيفيات qui est dans الصحيحين il y en a plusieurs si la pas cité نحن on laisse عمدة الأحكام وبلوغ المرام vous ferez هذه الأمور إن شاء الله قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة الحديث صحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا الحديث اعلم وفقك الله أنه إلى خاص pour أهل المدينة أو ceux qui sont en direction de أهل المدينة de المدينة كالعراق كأين partie du Sham ça veut dire quoi هذا الحديث ça veut dire que t'as le Medina elle est هنا la Qibla on va la représenter avec هذا الآن t'as deux directions t'as le Maghrib la direction l'Occident et t'as le Mashriq l'Orient الآن le hadith il te montre que si t'es à le Medina la Qibla elle est où elle est entre le Mashriq et le Maghrib قال عز وجل ما بين المشرق والمغرب قبلة Alain, toi, si tu es dans cet axe, forcément ta qibla elle sera entre le Mashriq et le Maghrib. Lakin c'est khas pour Haoula. Si tu habites ici, Yenta, si tu habites ici, est-ce que ta qibla ça va être entre le Mashriq et le Maghrib? Là. Ta qibla, Yenta, ça va être cette direction. Là. Ceux qui sont en Orient, leur direction ça va être Hakada. Ceux qui sont au Sud, ça va être au Nord. Hada al-Hadith il est khas pour ceux qui vivent ici. Il y en a Mecca. Al-Madina c'est au nord. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué que pour eux, la direction de Qibla c'est entre Al-Mashriq et Al-Maghrib. Pardon, là, je ne comprends pas. Ils se retrouvent, Matalan, dans un pays à l'est ou à l'ouest et ils se posent la question comment entre le Mashriq et le Maghrib. Si tu te mets entre direction le Mashriq et le Maghrib ici, ça va faire que tu vas faire salat là-bas. Et la Qibla elle n'est pas. La Qibla elle est, par rapport à toi, elle est à l'ouest. Enfin, la personne, il s'adapte par rapport à l'endroit où il est. Hadha al-Hadith, il est khas pour Ahl al-Madina. Et ceux qui sont en direction de Al-Madina. Maintenant, Al-Madina, c'est on a l'Irak, c'est encore au nord. Ils ont le même hukm. Et tous ceux qui seront dans ce axe. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقد اختلف في معنى هذا الحديث فقال العراقي ليس هذا عاما في سائر البلاد هذا القول صحيح أن هذا سبع عام في سائر البلاد et vous verrez qu'il y a إجماع على هذا إجماع أن هذا خاص بأهل المدينة قال العراقي ليس هذا خاص في سائر البلاد ليس هذا عاما في سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها هذا خاص pour la Medina et tous ceux qui sont dans ce taxe. Tous ceux qui sont dans ce taxe, leur qibla ça sera entre Al-Maghrib et Al-Mashriq. أما autre فأبدا. قال وهكذا قال البيهقي وفي الخلافيات وهكذا قال أحمد ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك ما بين الجنوب والشمال ونحو ذلك قال ابن عبد البر هذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه هذا صحيح طبل شوى الواقع لهكذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو obligé de l'appliquer pour هؤلاء لأن pour les autres c'est pas بين المشرق والمغرب هذا إجماع بين أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة c'est خاص pour ceux pour أهل المدينة et ceux qui sont en direction de ou la même position que المدينة comme l'Irak comme une partie du Sham إلى آخر مفهوم الحمد لله. قال الشيخ الألباني وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم. أي, ils étaient en voyage avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Il y a eu du brouillard. Eux, تعلمون أنهم, ils arrivaient à trouver le qibla avec les étoiles. الآن, ils sont dans une situation. Ils vont avoir du mal à trouver le qibla avec les étoiles ou avec le soleil ou. الآن, il y a du brouillard. Ils n'ont plus يعني, les éléments pour trouver le Qibla. قال فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة. Ils ont divergé pour le Qibla. قال فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. الشيخ الألباني يحسن الحديث. Ce hadith il montre awwalan, dès que tu n'as pas la possibilité de trouver la qibla, tu ne sais pas maintenant te diriger avec les étoiles, tu n'as pas de boussole, personne ne connaît la direction, enfin, la personne ijtahad et tu salis comme tu peux. Si on remarque après la salat qu'on a fait salat en dehors de la qibla, la salat elle est sahiha comme on l'a expliqué auparavant. Et ce hadith c'est un des adillah. Ala qawl bi sihhati. فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت أي الصلاة أهل بالي قوله فجعل أحدنا يخط بين يدي لنعلم أمكنتنا الصحابة في هذا الحال ils ont mis la direction مثلا un صحابي il a pris كذا il a tracé sur le sol pour voir plus tard est-ce qu'il est en direction de Qibla ou là peut-être que le brouillard il va partir ils vont voir. Enfin, ils sont aperçus que Kathir, mais non, mais ils ont fait salat, elle n'était pas en direction de la Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pas ordonné de la refaire. Et c'est ça le qawl sahih, comme on a vu. قال الشيخ الألباني وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين يديه في مكة هذا. وكان يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين يديه. هذا c'était في مكة. أما في المدينة, il pouvait plus faire هكذا. Ça va donner quoi la surah? أن le prophète quand il était à مكة, ça c'était le كعبة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il priait هكذا. Et بيت المقدس, il est هنا. معروف, الشام, c'est au nord de مكة. فالنبي في مكة, il arrivait à prier en direction de le كعبة. et en même temps Bayt al-Maqdis. Amma quand ils sont partis à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait hakada, al-Ka'ba était derrière lui. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se diriger vers Al-Qibla, hadith ibn Umar qu'on avait cité. Il va le citer. Qala qad nara taqalluba wajhika fi s-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. La qibla en direction de Bayt al-Maqdis, elle a été abrogée bi hadhihi al-aya. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été ordonné de se diriger vers Al-Ka'ba. Qala falamma nazalat istaqbala al-Ka'ba fa baynama an-nas bi Quba fi salat as-subh. Qala idha ja'ahum atin fa qala inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad anzala alayhi al-layla Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-Ka'ba ala fastaqbiluha. Qala wa kanat wujuhum ila ash-Sham fastadaru wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-Qibla. Al-hadith li fi sahihayn hadith Ibn Umar. Ça, on l'avait expliqué yani au début du dars sur la Qibla. Cheikh Al-Albani, vous avez remarqué l'un, son livre, il est résumé tout. Kibab al-Qibla, il a cité Khair Kathir. Enfin, pour demain, révisez Had al-Bab. Révisez Bab istiqbal al-Qibla. Et nas'Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq lil jami'. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.